Les amours du chevalier de Plénoche et de Mademoiselle Quatre Sous par Paul de Musset. Chapitre 1er. Ce que c'était que Plénoche, première aventure périlleuse mais qui finit gentiment. Dans le temps que la fronderie était oubliée et que la cour se remettait de ses traverses par les balais et les divertissements, il y avait dans une chétive campagne auprès de Corbeil un pauvre gentilhomme nommé le chevalier de Plénoche. On s'intéressait à lui dans sa province parce qu'il avait l'humeur douce et mélancolique et qu'il manquait d'argent, ce qui est une triste chose pour un homme bien né. Les vieilles femmes l'aimaient à cause de sa complaisance à ne les point contredire, mais comme il n'en était pas plus riche, il s'ennuya de sa ville natale et se résolut à voyager. Il n'eut tenu qu'à monsieur son père de lui laisser du bien, car le bonhomme en avait honnêtement 2 mois avant sa mort lorsqu'il s'avisa de se ruiner en un tournemain. Des gens qui revenaient de Paris lui dirent que le bœuf salé y était à un prix fou. Or, monsieur de Plénoche avait sa fortune en bestiaux. Au lieu d'envoyer à Paris ses bœufs tout en vie pour les saler après, comme le bon sens le voulait, il les tuait d'abord, les fit saler et les expédia. C'était au mois d'août. La corruption s'est mise en route, et il fallut jeter la marchandise aux ordures avant qu'elle fût au marché. Notre homme en mourut de chagrin. Plénoche, le fils, ne se lamenta point de son malheur. Il peigna ses chevaux avec autant de soin que d'ordinaire, continua de se mettre proprement et de bien récurer sa rapière et ses pistolets, car il montrait beaucoup d'ordre dans les petites choses. Il était grand et de belle taille. Il avait la parole un peu lente, quoiqu'il ne manquât point d'esprit, et vous l'eussiez cru volontiers sage et ménagé, ce qui est rare parmi les garçons de 25 ans. Tout ce qui lui restait vendu, notre chevalier ne se trouvait à la tête que d'une somme d'argent insuffisante pour entreprendre d'aller à Paris. Il fit donc des visites en manière d'adieu à tous ses amis de Corbeil et leur emprunta 10 pistoles à chacun. C'était trop peu de choses pour qu'on osât les refuser. Une seule personne lui répondit par une échappatoire. C'était un vieux rusé d'usurier qui disait partout que Plénoche, ayant eu un grand-père mort en état de démence, sa folie éclaterait quelque beau jour. Quoi qu'il en fût, le chevalier trouva les 100 pistoles dont il avait besoin pour son voyage. Il monta en selle et partit pour la capitale, suivi de son unique valet nommé Champignon. En arrivant au bourg de Villeneuve, Plénoche s'arrêta dans une hôtellerie où venait de descendre le duc de Longueville, qui s'en allait à son château de Coulommiers où il menait sa fille. Madame de Longueville était déjà morte alors. Comme Plénoche se tenait à l'écart par respect, le prince, ayant remarqué qu'il était bien à cheval et qu'il saluait de fort bonne grâce, le fit prier à dîner par un de ses pages. On allait se mettre à table, quand des gens de la campagne vinrent se jeter aux genoux de M. de Longueville en le suppliant de les délivrer d'un homme du pays qui faisait un peu le brigandeau. Cet homme avait une maison fortifiée avec fossés et poternes, quoiqu'il ne fût point noble, et tous les jours il commettait quelques violences nouvelles, tant sur les biens que sur les personnes. Le duc s'informa si les tyrannies de ce cuidam méritaient qu'on le fît arrêter, et comme on lui répondit que ce serait un grand service rendu au canton, il voulut y envoyer 25 de ses gentilshommes. « Le moyen n'est pas bon, ce me semble, » dit Plénoche. « C'est exposer la vie de gens qui valent mieux que ce bandit, car il ne se rendra point sans une bataille. Si vous voulez me laisser faire, je vous l'amènerai ici sans qu'il en coûte une goutte de sang. Mais vous allez risquer d'être tué. » dit Mademoiselle de Longueville. « Je n'aurai point ce bonheur-là, » répondit Plénoche, en chargeant ses armes. « Il suffit que je ne me soucie guère de mourir pour que la vie tienne à moi comme le diable après sa proie. » « Voyons un peu comment vous allez vous y prendre, » disait le prince avec curiosité. « Je n'en sais trop rien, mais je trouverai le moyen sur la route. » Plénoche s'informa où demeurait cet homme et comment il s'appelait. On lui montra de loin la maison, et on lui apprit que le bandit se nommait Partillon. « Fort bien, » dit-il, « dans un quart d'heure je serai revenu. » Notre aventurier monta sur son cheval le plus tranquillement du monde et gagna la plaine comme un vrai chevalier errant. Chemin faisant, il appela son écuyer Champignon auprès de lui afin de bien préparer ses batteries, et voilà comment ils exécutèrent leur manœuvre. En arrivant en face du Châtelet, le chevalier s'arrêta tandis que l'écuyer poussait jusqu'à la porte. Celui-ci fit sonner résolument la clochette. Un des écumeurs de grande route mit le nez au guichet pour demander ce que c'était. Annoncez, je vous prie, à monsieur Pardaillan que le chevalier de Plénoche, mon maître, veut lui souhaiter le bonjour et lui donner, en passant, un avis qui lui importe fort. » Il n'y avait point à 20 lieues à la ronde un air plus simple et plus niais que la mine du valet Champignon, et cet air servait admirablement sa grosse finesse naturelle. On ne se défia de ses paroles en aucune façon. Au bout de 5 minutes, Pardaillan lui-même vint au guichet. « Monsieur, lui cria le chevalier, je suis aise de voir un brave homme comme vous. Il paraît que vous avez joué quelques tours à des paysans de Villeneuve. Ces manants ont adressé des plaintes au duc de Longueville. Tenez-vous en garde, car j'ai ouï dire qu'on veut envoyer contre vous. Ne bougez pas de votre maison. Je vous en donne avis. » « Grand merci, monsieur, répondit Pardaillan. À qui dois-je ce signalé service ? Je suis le chevalier de Plénoche. Je vais cherchant fortune dans le mince équipage que vous voyez. Vous plairait-il de faire avec nous le coup de pistolet contre ceux qui viendront pour nous attaquer ? Vous aurez votre part de notre gâteau. Ce serait avec grand plaisir si, parmi les gens de monsieur de Longueville, il ne s'en trouvait pas que je ne voudrais pas tuer. Mais si vous m'offrez de l'avoine pour mon cheval et une bouteille de vin, je les accepterai. Soyez le bienvenu, je vais vous faire ouvrir. » Pardaillan s'avança sur le seuil par politesse pour singer les gens de qualité qui se donnent la droite de la porte. Plénoche lui mit tout à coup une main sur le collet et de l'autre il lui posa le canon de son pistolet sur l'estomac. « Vous êtes à moi, maître Pardaillan, lui dit-il. Si vous bougez, vous êtes mort, car je me soucie peu d'être tué après cela par vos domestiques. » Champignon tira aussitôt de sa pochette un grand bout de corde et lia les bras du bandit. En moins d'une minute, il le chargea sur son cheval. Les gens de Pardaillan accoururent afin de le dégager, mais le chevalier les assura si fermement qu'il lui allait faire sauter la cervelle que personne n'osa plus souffler mot. Monsieur de Plénoche et son laquais retournèrent à Villeneuve plus vite qu'ils n'étaient venus. Le prince et ses gentilshommes furent bien surpris en voyant le brigandeau garrotté. Il battait des mains et entourait le chevalier en l'accablant de questions. « Voilà le coupe-gérée que je vous avais promis, monsieur le duc, » dit Plénoche avec son flegme habituel. Pardaillan écumait de rage. « Vous avez fait le saut, » lui disait le chevalier. « Je vous avertis qu'il faut vous tenir enfermé si vous ne voulez être pris, et vous m'allez ouvrir la poterne dans l'instant même. » Le duc s'écriait que le tour était galamment et hardiment mené à sa fin. Mademoiselle de Longueville, qui était alors dans sa petite jeunesse, admira le courage et le sang-froid de Plénoche et pria son père de l'avoir à son service. « Mettons-nous à table, premièrement, dit le prince, car nous vous avons attendu pour dîner, monsieur le chevalier. » Le repas fut animé de la plus belle gaieté du monde. Plénoche conta son expédition en peu de mots sans rodomontade, et le récit n'en fut que plus divertissant. On lui donna beaucoup d'éloges et on but en son honneur. « D'où vient, monsieur Plénoche, disait le prince, que vous ne riez jamais ?»« C'est, monseigneur, que pour rire, il faut avoir du rose dans l'esprit. Un chemin uni effrayé devant les pas de son cheval et sur la tête un ciel clair. »« Oui, da, votre avenir a donc du sombre. Est-ce qu'un garçon décidé comme vous l'êtes peut sentir des inquiétudes et du souci ?»« Monseigneur, j'ai déjà reçu quelques averses de bonne pluie sur les épaules et j'en attends d'autres encore. » Ne sachant ni que faire, ni où je vais. J'ai un peu de philosophie pour tout manteau de voyage et bon cœur contre mauvaise fortune. Vous plairait-il vous attacher à moi ? Je vous servirai de guide et tâcherai de vous raccommoder avec le sort. J'accepte avec reconnaissance, si votre Altesse veut bien se contenter d'un gentilhomme qui n'a rien que sa bonne volonté. Vous êtes à moi et je vous donne à ma fille. C'est elle qui désire que je vous prenne. Son oncle, monsieur le prince, le grand Condé, lui avait promis un écuyer. Mais je vous choisis de préférence. Vous vous connaissez en chevaux, et vous avez l'air prudent autant que résolu. C'est vous qui conduirez ma fille à la promenade. « Je vois, dit Plénoche, que mon étoile n'est point trop méchante, monseigneur, puisqu'elle m'a jeté sur votre passage et que me voici, par un coup inespéré du hasard, au service d'une aimable princesse. Ceci vous rendra donc la belle humeur. Je ne promets point, mademoiselle, de la divertir beaucoup. L'enjouement n'est guère dans ma nature. Ne vous en embarrassez pas, dit la petite princesse. C'est particulièrement votre sérieux qui m'amuse. Tout est pour le mieux, alors. Le plus sûr moyen, reprit le duc, et le plus prompt pour remettre en bon point un beau garçon auquel il ne manque autre chose que du bien, c'est de le marier. Nous vous trouverons une femme qui vous fera riche. « C'est cela, » disait mademoiselle de Longueville en riant. « Il nous faut marier, monsieur Plénoche. » Le repas achevé, notre chevalier entra aussitôt dans ses fonctions nouvelles en homme qui s'y entend. Il offrit son genou au pied mignon de la petite princesse pour la faire sauter à cheval, et veilla sur elle pendant le voyage. Lorsqu'elle monta en carrosse, il se tint près de la portière et lui conta des histoires. Il fit ainsi sa cour le long du chemin, comme s'il eût toujours vécu dans le beau monde. En arrivant à Coulommiers, on lui donna une chambrette fort jolie avec un lit moelleux. Avant que le sommeil lui fût venu, le chevalier admira comme le ciel mène à sa guise nos destins, et il remercia Dieu de cette heureuse journée ainsi que le doit un honnête gentilhomme.